zana nzela Prince d'Age ambassadeur ya mboka oh, oh, oh merci nzambe olongolinga inaranja bandokyo merci nzambe okabolinga inaranja bapecho nzaka nangali yebo sibo siminga nakopanzana zodo nangali yebo sibo siminga Je m'appelle Dadju, je suis l'enfant du pays. Moi, la Madalide, avec Juna Danana, j'ai chanté la musique avant d'écrire. Je suis devenu berceuse avant d'aller dormir. Tout le monde sait, Africain est dans l'excès. Tout le monde sait, abuse au mariage de son frère. Le fils de ma mère. Elle même la fille de son père, la malamé qui m'envoie. Quatre sous pour plaque tout le monde sait ololo, africain dans les airs ololo. Hercule, manifeste-toi. C'est à chaud. Oh, qui l'a jamon, c'est qu'un wololo. Maman, oh, oh, wololo. Oulingi na chamo, boulou. Merci, Ayananga. Samuel est ton fils, Didier Drogba. Elle est rusée, très luchée. JC Zungula. Elle est rusée, très luchée. Elle fait la bise à tous les bouts. Allô, bientôt près de la bouche. Fait la bise à tous les bouts. Presnel qui fait près de la bouche. Paul Pogba. Elle est rusée, très luchée. Niagico, les mains de foudre. Très luchée. Soirée. La merveille, aide-le. À vous de Benga. Tout le monde sait, Wololo, Africain est.